nous plonger dans ces techniques agressives du lobbying de Monsanto et comprendre comment la firme communique en faisant passer des contenus qui lui sont favorables sur Internet. Nous allons écouter ce que Marie-Monique Robin, journaliste, auteure de nombreux films et livres sur la question de l'alimentation, dont Le Monde, selon Monsanto. Bien voilà ce qu'elle nous disait dans la précédente diffusion, c'était en mai 2016. Elle nous expliquait les raisons qui l'avaient poussée à s'intéresser à cette histoire, à cette multinationale, à Monsanto donc, car pour s'attaquer à la firme, il fallait être très très motivé. Hein. Nous sommes presque dans une fiction, mais le pouvoir de Monsanto est bien réel. Je suis née sur une ferme du Poitou qui pratiquait l'agriculture industrielle. Donc pendant très longtemps, je ne me suis pas posé de questions sur ce modèle, parce que mon père faisait ça, il pensait que c'était la meilleure manière de nourrir le monde. C'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs qu'il ne faut pas jeter la pierre à ces paysans qui sont retrouvés embarqués dans cette aventure complètement folle. C'est ce que je dis aujourd'hui, mon père le dirait aussi, même s'il est très âgé. Alors, Monsanto, c'est venu tout petit à petit. Alors, bien sûr, j'avais entendu parler de l'agent orange, vous savez, qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, qui était un cocktail de deux herbicides très toxiques. Et puis, en 2005, j'ai fait deux films pour Arte qui concernaient les semences. Et j'ai découvert qu'il y avait des brevets sur les semences, un truc qui me paraissait incroyable. Comment peut-on breveter une semence, vous voyez? Et que derrière, il y avait toujours une compagnie. Quand j'étais en Inde, on m'en parlait. Quand j'étais aux États-Unis, on m'en parlait. Quand j'étais au Canada, on m'en parlait. Monsanto. Et j'ai tapé Monsanto. Et là, j'ai découvert un truc incroyable. Il y avait tout sur la toile. Il suffisait de télécharger, recouper. Et puis, je suis allée voir Arte. J'ai dit, voilà, il faut faire un film. Et c'était Le Monde sur le Monsanto. Voilà Stéphane Foucard, l'histoire d'un livre, l'histoire d'une enquête. Et quelle est maintenant l'histoire de cette entreprise finalement? Comment est-elle devenue le leader mondial des OGM? Elle l'est devenue après avoir abandonné son activité historique qui était la chimie, qui lui a valu pas mal de casseroles, hein, comme on dit, pas mal de scandales, en particulier celui des PCB, hein, que d'ailleurs Marie-Monique Robin traite dans son livre Le Monde selon Monsanto. Je crois que c'est le premier chapitre. D'ailleurs, elle raconte l'histoire de cette petite ville d'Alabama, Anniston, qui a servi un petit peu de décharge au fond de cuve des usines de Monsanto, qui fabriquaient dans cette petite ville du sud des États-Unis ces produits qui sont très toxiques, qui sont aujourd'hui considérés comme des perturbateurs endocriniens. Et donc, Monsanto, finalement, a quitté cette activité historique pour s'orienter vers l'agriculture, avec le développement, justement, de ce couple OGM Roundup. Bon, bonne pioche, en tout cas, d'un point de vue économique. Hein, pour le reste, c'est autre chose. Parce qu'il y a aussi le débat philosophique. Je disais tout à l'heure que c'était une question de civilisation. Finalement, qu'est-ce qu'on nous fait manger, hein? C'est au-delà de l'économique et du politique. C'est philosophique, moral. Et puis les conséquences sociales aussi, environnementales bien sûr, et sanitaires de l'exploitation de ces OGM. C'est quoi la conséquence d'une agriculture avec des OGM? C'est porteur de quel danger précisément? Puisque pour l'instant, on est dans le principe de précaution, puisqu'on n'a pas encore la preuve que ce soit nocif, bien qu'on l'ait un petit peu quand même. Alors, moi je dirais que le problème est relativement mal posé, puisque, on le voit d'ailleurs dans ce reportage, en fait, toute la question, historiquement, a tourné autour du danger sanitaire ou pas pour le consommateur final, de la transgénèse, c'est-à-dire le fait d'intégrer un transgène, un gène étranger, à une culture. Or, en réalité, moi, il me semble qu'avec le recul du temps, on peut dire que c'était un faux débat, en fait. Pourquoi? Cette histoire. C'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours aucune preuve. Aucune. C'est ça, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. On n'a aucune preuve de la nocivité de cette opération qui consiste à ajouter une construction génétique, vouée à produire une toxine insecticide, le fameux BT, ou qu'elle soit vouée à conférer à la plante une résistance à un herbicide, typiquement le Roundup, mais aujourd'hui il y en a d'autres. Donc en fait, on voit aujourd'hui qu'on s'est embarqué dans une sorte de faux débat. C'était pas de ça qu'il fallait débattre en réalité. Il fallait débattre de quoi? C'était quoi la question qu'il fallait poser? La question qu'il fallait poser, mais c'est une question qui est beaucoup plus compliquée et qui est beaucoup moins soluble en fait dans la conversation publique et dans le débat public, hein, dans la manière dont nous autres, les médias, on se saisit de ces questions complexes. La question qu'il fallait poser, c'était tout simplement de savoir qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, parce que l'intérêt des OGM, avant tout, c'est pas d'augmenter forcément les rendements, c'est pas de nourrir le monde. D'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis les courbes de rendement du maïs, par exemple, eh bien en 96, quand on a commencé à faire du maïs OGM, transgénique, on ne voit pas d'augmentation des rendements. Les rendements, ils continuent à augmenter linéairement. C'est pas indexé à ça, en tout cas. Voilà, exactement. Et on voit pas de signal particulier. Pas vraisemblablement d'augmentation des rendements avec ces technologies. Ces technologies, elles servent surtout à industrialiser l'agriculture, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on puisse agrandir les parcelles, agrandir les exploitations et faire plus avec moins de main-d'œuvre, de main-d'œuvre de manière plus automatisée, avec un rendement économique supérieur. C'est pour ça que vous vous posez la question, quelle agriculture on veut ? Est-ce qu'on veut de cette agriculture-là ou d'une agriculture par des circuits courts, par tout ce qui est le contraire de ça. Exactement. On se rend compte aussi que sur l'environnement, il y a un effet de l'industrialisation de l'agriculture. Plus vous faites des grandes parcelles, plus vous détruisez de l'habitat, plus vous utilisez de grandes quantités d'herbicides, c'est quelque chose qui est très consensuel maintenant dans la communauté scientifique, plus vous détruisez la flore adventice qui sert de nourriture à tout un tas de pollinisateurs, aux abeilles, etc. Donc, il y a des conséquences environnementales qui sont importantes. Il y a des conséquences socio-économiques qui sont importantes en termes d'occupation du territoire, en termes d'emploi, de structure de l'emploi. Donc il y a des questions très profondes, et il y a aussi des questions philosophiques, hein, vous l'avez dit, sur la brevetabilité du vivant. Est-ce qu'on peut s'arroger un titre de propriété aussi fort qu'un brevet sur une semence ? Est-ce qu'on peut contrôler la diversité génétique des cultures qui servent à nourrir l'humanité ? Tout ça, ce sont des questions qui sont très profondes, mais qui ne sont pas des questions sanitaires. Alors, il y a des questions phytosanitaires. Maintenant, puisqu'on a trouvé ce mot très politiquement correct, finalement, qui adoucit tout, phytosanitaire, c'est gentil, sanitaire. On prend soin de nos plantes, enfin bon, on a compris. Dans le phytosanitaire, il y a du glyphosate, par exemple, c'est la molécule du Roundup, et qui est toujours autorisée au sein de l'Union Européenne et en France. L'interdiction est programmée dans 3 ans. Il y a urgence ou il n'y a pas urgence, ou on peut attendre 3 ans ? Alors, c'est la même chose que pour les OGM. C'est une question qui est très complexe. Pourquoi ? Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce sujet, c'est qu'en réalité, on finit par reparler de la même chose, c'est-à-dire du risque sanitaire, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire pour d'autres raisons, bien sûr. Là, c'est plus la construction génétique qui fait peur, c'est le produit auquel sont associés ces OGM, produit qui est utilisé même... Associer les pesticides. Et typiquement le Roundup, puisque c'est de ça qu'on parle. Et Roundup qui est également utilisé, y compris en grande quantité, dans les pays où on ne fait pas d'OGM. En France, on utilise de mémoire entre 8 et 10 000 tonnes par an de glyphosate, donc le principe actif du Roundup, sans qu'on fasse d'OGM, à ma connaissance. Donc, il y a à la fois une poursuite de la conversation autour des OGM via la toxicité du glyphosate, ou la toxicité alléguée du glyphosate, et cette question toute simple, est-ce qu'on doit continuer à utiliser du Roundup en France, alors qu'il a été classé, je le rappelle, en mars 2015, comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Alors, si on veut ni pesticides, ni OGM, et qu'on ruine Monsanto, ça porte un nom, ça, ni pesticides, ni OGM, ça s'appelle l'agriculture bio. C'est la définition du bio. Ni OGM, ni pesticides. Alors, pas tout à fait, parce que le bio utilise aussi des pesticides. Oui, mais des pesticides différents. Ce ne sont pas des pesticides de synthèse, mais ce sont quand même des pesticides. Donc effectivement, on a une grande alternative aujourd'hui. D'ailleurs, le marché du bio augmente très rapidement en France et un peu partout dans le monde, et surtout en Europe. Donc effectivement, c'est vraiment l'alternative qui se pose à nous. Puisque je ne vais pas vous poser une colle avec des chiffres, mais puisqu'on en parle du développement du bio en Europe, qui sont les pays champions ? Alors l'Autriche fait beaucoup de bio. Je crois que c'est arrivé à 16% des terres cultivées. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est 16, sans doute de cet ordre-là. Voilà, on est sous 10% en France, hein, beaucoup, largement en dessous de 10%, oui, autour de 4-5%. Italiens étaient à 8 déjà, il y a quelques années. En Espagne, ça commence à monter très fort, surtout pour le vin. Ouais. Donc oui, il commence à y avoir un marché important qui se développe. Alors, depuis des années, des mouvements de lutte en France et dans le monde entier se constituent contre ces sociétés et ces pratiques, genre Monsanto, et lancent des procédures judiciaires. On va écouter cet extrait d'un reportage de France Info après la victoire de Paul François. C'est un agriculteur de Charente qui est parvenu à condamner Monsanto en appel pour une intoxication subie en 2004 et dont il nous donne plus de détails. Ma vie, c'est déjà une épée de Damoclès en permanence au-dessus de ma tête, parce que j'ai des check-ups complets qui montrent que j'ai des lésions au niveau du cerveau qui sont présentes, qui évoluent de façon très très doucement, mais on ne sait pas vers quoi ça évoluera. Les neurologues, bon voilà, ça, c'est une chose. Et puis, il y a des périodes où je ne peux pas travailler, je suis obligé de rester allongé des fois pendant plusieurs jours parce que les douleurs au niveau de la tête sont insupportables et qu'il faut des dérivés de morphine pour arriver à les calmer. Et donc ma vie de professionnel n'est plus du tout la même qu'avant 2004. Et puis des périodes de fatigue énormes. Alors je suis souvent discret par rapport à ça parce que les gens qui me connaissent, ils me disent mais quand on te voit certains jours, on ne peut pas imaginer que tu es malade. Il n'y a que mes proches ou les médecins qui savent très bien que malheureusement, ce n'est pas tout à fait la réalité. Et de toute manière, ma vie a été bouleversée après cette intoxication. Il n'y a pas de raison qu'une firme soit au-dessus des lois. Et si elle était responsable et si elle avait retiré d'elle-même, parce que je ne peux pas imaginer une seconde que cette firme n'était pas au courant de la toxicité du produit en 2004, ne serait-ce tout simplement en étant très pragmatique que le Canada l'avait interdit dès le milieu des années 80. Voilà, alors aujourd'hui, Paul François mène toujours son combat et sa bataille judiciaire contre Monsanto. Son 4e procès s'est tenu hier. La décision de la justice sera rendue en avril prochain. Après sa plainte déposée en 2007, l'agriculteur est parvenu à faire condamner Monsanto à 2 reprises, en 2012 et 2015. Alors à chaque fois, le géant des OGM a fait appel, bien sûr. En 2017, la Cour de cassation a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon pour une erreur de forme, d'où ce nouveau procès d'hier, au cours duquel les avocats de Monsanto, une nouvelle fois, rejetaient toute responsabilité. Voilà, chaque fois, Monsanto nie. Vous-même, dans votre article paru dans Le Monde, daté du 1er février, vous donnez des pistes de compréhension, vous parlez de l'agressivité de Monsanto, qui ne lâche jamais rien, qui a bien sûr les moyens de se payer de nombreux avocats. On va y revenir sur le lâcher rien. Comment arriver à gagner face à ce pouvoir qui semble inatteignable? Je pense que la question elle se pose plus aux avocats de ouais. Paul François qu'à moi. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose qui est intéressant et qui est assez contre-intuitif. C'est que Paul François a été intoxiqué par le Lasso, qui est un herbicide qui a aujourd'hui donc été retiré du marché. Et cette histoire doit nous rappeler quand même que le Roundup, qui est un autre, ou le glyphosate, hein, selon qu'on lui donne son nom de molécule ou son nom de produit formulé, ou l'un de ses noms de produits formulés, le Roundup aujourd'hui est l'herbicide le plus sûr qu'on connaisse. Et c'est aussi quelque chose qui est très étrange et contre-intuitif, puisqu'on parle beaucoup du glyphosate, alors qu'aujourd'hui, je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant que la plupart des toxicologues considèrent que le profit toxicologique du Roundup est plutôt meilleur que celui des autres herbicides actuellement sur le marché, et a fortiori de ceux qui en ont été retirés. Et donc là, on arrive à une situation qui est extrêmement dangereuse, non seulement pour Monsanto, mais pour le reste du monde agrochimique, qui est que même les molécules qui étaient historiquement considérées comme les plus sûres, hein, puisqu'on n'a jamais, pas jusqu'à il y a quelques années, le Roundup, bon, on n'en parlait pas plus que ça. Hein. Il a vraiment fallu attendre le classement du Centre international de recherche sur le cancer pour que ça commence à pénétrer la conversation publique et à faire débat. Mais même si ces molécules qui sont considérées comme les plus sûres, finalement, après examen, présentent des risques, qui reste à quantifier, etc., hein, eh bien, ça pose une question de survie pour l'agrochimie et pour l'agriculture industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, la façon dont Monsanto va tisser sa toile, hein, c'est le cas de le dire, notamment sur Internet, pour fabriquer une information qui lui est favorable. Donc elle passe par des agences de relations publiques qui promettent aux clients la mise à disposition des capacités de storytelling, hein, de Monsanto, histoire de raconter une belle histoire, et de dire que les histoires que nous on raconte sur la place publique, c'est pas vrai. Bref, l'accès à un réseau de producteurs de contenu fidélisé permettant de décliner l'histoire dans tous les formats et sur n'importe quel canal, post, Twitter, Facebook ou Instagram, article de blog, que sais-je encore. Cette agence donc confirme toutefois qu'un volet, le Let Nothing Go, est destiné à faire rectifier les informations inexactes ou imprécises. Alors c'est quoi ce Let Nothing Go? On ne laisse rien passer, c'est la stratégie? Oui, alors, apparemment c'est une des stratégies de Monsanto, qui en a beaucoup. C'est quelque chose dont le nom Let Nothing Go, qui apparaît pour la première fois en 2017, si ma mémoire est bonne, dans un mémo que transmettent des avocats de plaignants aux États-Unis aux juges. Et ils disent avoir interrogé un haut cadre de la société qui leur a confié l'existence, sous serment, hein, aux États-Unis, quand des avocats font déposer quelqu'un de la partie adverse, la personne s'exprime et répond aux questions sous serment. Et donc sous serment, ce cadre de Monsanto leur a révélé l'existence de ce projet, programme, Let Nothing Go, ne rien laisser passer. Hein, donc, faire comme ça une sorte de stratégie d'endiguement sur Internet. Mmh. Bon, sans donner plus de détails sur le projet. Et apparemment, d'ailleurs, le cadre lui-même n'avait pas plus d'explications à donner aux avocats sur la réalité, sur l'étendue de ce programme. Alors, bon, nous on a cherché un petit peu avec ma collègue et co-autrice Stéphane Aurel, et on a déterminé que on a réussi à trouver le nom de la boîte de l'entreprise de relations publiques et de lobbying qui opère ce programme. Et il s'agit de Flash Manilard, qui est une des plus grandes sociétés de relations publiques et qui opère ce programme spécifiquement en France et en Europe. Et alors elle dit cette agence, elle dit ne travailler qu'avec des journalistes mainstream, traditionnels. Bah, vous et moi, quand même. Mainstream, voilà. Mais les prises de contact fructueuses dans seulement un tiers des cas, selon la société qui assure. Alors, en plus, ne pas rémunérer les journalistes reprenant les rectificatifs, heureusement. Flash Manilard ne souhaite communiquer ni l'identité des intéressés, ni la nature précise des éléments transmis. Bah oui, donc tu parles. Oui, alors on a très peu de détails, bien évidemment, sur la nature de ces relations entre cette société de relations publiques et ces journalistes. On ne sait pas exactement dans quel cadre, dans quelle mesure, est-ce que ces éléments de langage ont été repris, diffusés, sous quelle forme, par qui, etc. Donc ça reste quand même assez nébuleux. Mais on dispose, malgré tout, dans ce qu'on appelait les Monsanto Papers, donc les documents internes de la firme, on dispose de mémos où, par exemple, on voit des responsables de Flash Manilard interagir avec des cadres de Monsanto, et par exemple transmettre des pages et des pages de monitoring et de surveillance et d'évaluation de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, tout ça est rédacté par le juge, c'est-à-dire c'est censuré. Le juge a estimé, avant de rendre public ces documents, qu'un certain nombre de choses qui pouvaient apparaître pouvaient porter préjudice soit à Monsanto lui-même, soit à des tiers qui apparaissent dans ces documents. Donc tout est rédacté, mais on a une vingtaine de pages, comme ça, qui sont noircies, où apparemment l'activité de ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, voire sur les forums qu'il y a au derrière des articles de presse maintenant sur Internet, bien tout ça est surveillé, tout ça est évalué, on peut lire dans la bouche d'un responsable de Monsanto qu'il se réjouit du fait que la situation s'améliore quelques mois après la mise en place de ce programme grâce à des contenus activement placés, je cite, par la firme Flash Manilard. Alors, est-ce que cette campagne est toujours d'actualité? L'agence parisienne de la firme de lobbying affirme qu'elle n'a pas œuvré pour Monsanto depuis plusieurs mois. Pour autant, stupéfaite par la levée de boucliers suscitée par la diffusion le 17 janvier dernier sur France 2 d'une édition du magazine Envoyé spécial consacré au glyphosate, Elsa Margou, la directrice des magazines de l'information de France Télé, est convaincue que l'émission était la cible d'une campagne de dénigrement. Et elle ajoute, ce qui s'est produit a atteint des proportions très inhabituelles. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous l'évoquez dans votre article ? Oui, alors c'est ce que dit effectivement Elsa Margou, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître effectivement, avant même la diffusion de ce sujet, de ce magazine Envoyé spécial, on a vu apparaître tout un tas d'éléments de langage sur les réseaux sociaux, diffusés, amplifiés, pour saper complètement toute crédibilité au sujet avant même qu'il ne passe à l'antenne. Et ouais, pendant qu'il passait à l'antenne, il y avait tout un tas de suivis en direct de comptes Twitter qui dénigraient de manière extrêmement véhémente ce qui pouvait être donné à voir aux téléspectateurs. Il y a certainement des critiques à faire, il y a certainement des inexactitudes. Enfin, on est journaliste, on est bien placé pour savoir que chaque sujet, il est anglais, il a ses points aveugles, il a ses partis pris. C'est comme ça. Mais un tel tir de barrage, apparemment, a totalement stupéfait les responsables de France Télévisions. Alors, ces questions sont évidemment politiques, jusqu'à preuve du contraire. C'est quand même les politiques qui ont la décision finale, normalement, sur la sphère économique. Je rêve, mais bon. Je vous propose d'écouter un extrait en 2011 d'un spot de Manuel Valls lors de la primaire socialiste où il présente les OGM comme source de progrès. 15 ans après l'irruption du débat en France, les OGM suscitent toujours les réactions passionnées des pros et des anti. Au cours du XXe siècle, les catastrophes générées par le scientisme ont abîmé, on peut le comprendre, notre foi dans le progrès. Mais nous ne pouvons pas renoncer à son idée même. Nos civilisations, nos sociétés ont besoin de progresser. Si les dangers supposés des OGM sont sérieux, ils attendent toujours d'être démontrés. En revanche, les bénéfices espérés sont, eux, largement reconnus. plutôt que d'interdire les OGM, de tourner le dos au progrès. Je suis donc favorable au renforcement de la recherche dans le domaine des biotechnologies. Ah, qu'on soit favorable ou pas, c'est la question de la décision politique. Oui, alors, c'est important. C'est tout à fait important, et je pense que la décision politique, elle doit se baser non pas sur la technique, c'est-à-dire non pas sur le fait que c'est un OGM ou pas, ouais, mais sur ce qu'on va faire à cet OGM, parce que c'est ça qui est intéressant finalement. C'est le trait qu'on va ajouter à cette plante, et il n'est pas du tout exclu qu'un trait, une construction génétique, un transgène introduit dans des cultures, voilà, permettent de faire de l'agriculture de manière plus vertueuse, moins destructrice pour l'environnement, plus pratique pour les agriculteurs. Il n'est pas du tout exclu que ça puisse arriver. Mais toute la question, à mon avis, justement, quand on fait de la politique, toute la question est de savoir sur quoi on va porter un jugement. Et il me semble, c'est un avis personnel, hein, il me semble contre-productif de porter un jugement sur la technique et non sur ce qu'elle va pouvoir nous permettre de faire ou de ne pas faire. Bref, posons les questions et la question de façon pertinente, hein, face à un problème aussi compliqué. D'abord, savoir poser la question. Ah, je pense que ça s'impose. Merci infiniment, Stéphane Fougard, donc auteur avec votre consoeur Stéphane Aurel de ce grand article que vous pouvez retrouver. Il est du 2 février, mais on le retrouve facilement. Ça s'appelle « Comment Monsanto mène sa guerre médiatique ». Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'épopée des OGM, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et rendez-vous sur Affaires Sensibles sur le site de France Inter pour vos commentaires et des compléments à toute l'émission. Merci, puisque nous sommes jeudi, à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Mora, Adrien Cara et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet et Coy Nguyen. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet.